listen to that beat. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Et toi, tu t'entends? Non, non. Ouais. Est-ce que là, je m'entends? Ouais, ça va là. On m'entend un peu, non? Ouais. Tu veux que ça soit plus fort? Un peu plus fort. Bah après, ça dépend. Je suis dans la. On est déjà dans le. Voilà. On n'est pas dans le rouge, non. Bah, si voilà. on peut y être facilement. Là, c'est bien. Ouais, mais, c'est voilà. Top. Ok. Bon, ça va commencer. Ils nous entendent là-haut. Non, c'est ça, tu vois, c'est encore ça là. Donc ça, moi je diffuse déjà là. Et en fait, il repique le flux dans ce gros flux à 18h. Mais moi, en fait, là, je veux dire, on est déjà dans le flux que tu diffuses. Oui. Si les gens ils cliquent dessous. Ouais. Oh. Salut les gens. Ah tiens, je viens de faire clipper un peu. Ouais. Je vais te baisser non, un mais peu. C'est... Ouais. Bah, c'est le micro aussi. Hein. Faut... Tu crois qu'il faut que je fasse clipper ou pas clipper? Comme tu veux. Hein. Moi j'aime bien quand ça clip un peu. Ouais. Bah, clip. Clip autant que tu veux. Clip. Clip. Clip clap. Clip clip. Et en même temps, donc j'enregistre. Oui, voilà. Bah oui. T'appuies voilà. Sur le bouton rec de. Voilà, ouais, c'est déjà en train d'enregistrer. Superbe. Ça fait 44 minutes que tu streams quand même déjà. Ouais. Et là j'ai arrêté de faire j'avais un stream continu, mais là j'ai arrêté un peu. Voilà. Ok, super. Voilà, donc on va voir bientôt, ça va passer. Ah bah voilà, ça a dû commencer. C'est à nous. C'est à nous, ouais. Yes, les entretiens de Grenoble numéro 3. J'ai l'immense joie et honneur d'accueillir Denis. Yeah, coucou. Vague imaginaire, pardon. Je sais pas comment... Salut Nicolas. D'accueillir Vague. pardon. Vague Morin. Mulan, c'est Rico. C'est Ouais. Alors c'est une configuration compliquée où c'est difficile de te regarder. Ben ouais, mais c'est ce voilà, qui fait un petit peu le charme. Voilà, le charme. Donc Denis, je te remercie d'être venu. Alors je te propose... C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça me fait bien plaisir d'être là. En plus, ça fait un moment que je voulais te voir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais. C'est une occasion. Exactement. L'occasion qui fait le larron. Ouais, ça fait depuis le confinement. Quoi. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien, ça me fait plaisir aussi. On a une heure, donc c'est assez court, donc c'est mon expérience qui le dit. Ah, mon expérience me dit aussi, hein. Même 2 heures des fois c'est même court. Même 2 heures c'est court. J'avais voulu un peu, donc je voulais annoncer un peu le programme de cette émission, donc aborder des sujets un peu, alors une partie peut-être un petit peu biographique, on verra plus tard. Ok. Voilà, légère. Avec plaisir. Ta conception de Lille, puisque Lille est un ensemble géographique qui tient à cœur ou un paysage mental, j'imagine, quelque ouais. chose comme ça. Carrément. Peut-être revenir là-dessus. Parler aussi des morceaux, des morceaux qui sont sortis très récemment donc sur deux labels, un américain, un anglais, ouais, sous forme d'une cassette et d'un disque. Ouais. Et puis, c'est tout, je crois. Si le... Ah oui, bah, la planche à voile. Alors, ah, yes. Pour en parler, ouais. Je vais mettre un morceau, mon morceau d'ouverture que j'avais choisi. Ah, cool. Qui s'appelle Windsurf, de Lucio Battisti, que tu connais, que j'ai déjà mis à la radio, peut-être. Bon, on y va, on écoute ça, et ensuite, on trop parle bien. Un peu de planche à voile, si ça te dit. Trop bien, ça va glisser. Allez. Portami lontano da questa rumorosa città. Guidami tu, vengo con te dove vuoi. Sul lago di Garda, sui mari italiani più a sud. Chi ci vedrà, probabilmente dirà: t'ho un altro matto, e dopo sorriderà. Si alza dal letto mentre porta vacche via. La mute la vela, le scarpe giuste, il trapezio la deriva, mi mangio una mela. La strada sale sul promontorio, poi all'improvviso, ma quante vele laggiù. Uh-uh. questa nervosa realtà. Guidami tu, vengo con te dove vuoi, sui mari hawaiani, in Cina, in Sardegna, in Perù. Un aeroplano ci sorvolerà e il capitano, son certo, sorriderà. Ecco che arriva una raffica di vento, si vede dall'acqua. Questo è il momento che ti perdo, me lo sento, sento, sento. La vela spettacchia, sono aquilone alla rovescia, onde ci pieghi, ma poi riprendi. Yes, Windsurf, Windsurf, Lucio Battisti, ça t'a plu? Ouais. Bah, ça m'a plu, ouais. Ouais. Plutôt pas mal. Tu rigolais. Faut couper le moniteur, non, c'est ouais. Ça? Et, et ça m'a plus que... Tellement plus que... Tu sais que moi, je voulais m'appeler DJ Windsurfing Life. Ah ouais, mais je savais pas. Voilà. Et parce que j'ai... Pas. Ouais, parce qu'avant Vague Imaginaire, j'avais vraiment des... Tu sais, il y a les petits bloc-notes derrière, sur la page du Mac, tu vois. Ouais. Et j'en avais des tonnes remplies à ras-bord de noms comme ça, dont DJ Windsurfing Life, parce que je me disais, putain, il n'y a rien de mieux que de naviguer un petit peu, enfin de naviguer à la fois, d'aller sur la route, tu vois, et puis de s'arrêter sur des spots, de dormir là. Ouais. Windsurfing Live, alors, ça aurait été Life. Ah, Life. Ouais, tu sais, la vie de windsurfer, tu Ouais, ouais, ouais. Saisonnier, du coup, alors... Ou alors il faut descendre dans le sud, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Ou alors changer d'hémisphère en hiver, quoi. Ouais. Puis c'est pour ça, puis à laquelle je trouve, il y a plein de trucs dans le surf qui sont trop bien. Même Deleuze, on a. Ouais, le pli, ouais, le pli, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La vague, prendre le pli, ouais. Être bon, cool, puis, quoi, en fait. Être... Ouais, c'est en vrai gros, que c'est un peu... Et c'est vrai que c'est un peu comme pour les îles, c'est un peu l'image du cool, je pense, ça va avec, quoi. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que ma vie soit le plus cool possible, en tout cas d'en donner l'image, comme ça, tu sais, des fois ça attire. C'est comme quand tu te mets, t'es de mauvaise humeur, tu t'habilles coloré, quoi, pour pas que les autres voient que t'es de mauvaise humeur. Ouais, comme ça ils te renvoient une image colorée plutôt que. Et toi-même, ça te met de moins mauvaise humeur. Exactement, voilà, ça te tire du côté, quoi. Et puisque tu as abordé le sujet de Lille, est-ce que donc pourquoi c'est si important toi Lille ? Alors en dehors de l'aspect exotique ou tropical, mais peut-être. Bah, après, peut-être ça a quand même vraiment à voir à ça, mais c'est avant tout parce que il y avait deux choses qu'on comptait que j'ai reçues de mon grand-père dans mon enfance, donc assez tôt. Hein, c'était je pense. Ton grand-père maternel ou mon grand-père maternel, ouais. Parce que j'ai pas. Connu, enfin c'était un beau grand-père l'autre, donc c'était moins fort et du coup ouais c'était les petites fiches Atlas, je sais pas si tu vois, c'est des classeurs que il m'avait abonné à ça, ouais. Donc je recevais les petites fiches Atlas je sais pas, je tous les mois ou toutes les deux semaines, tu vois, et je recevais deux trucs, je recevais la philosophie et les îles, d'accord, voilà. J'ai reçu aussi l'Atlas mondial, un truc du monde, mais ça me bottait pas. Et alors du coup quand je suis arrivé, donc ça c'était en à partir de la primaire. C'est donc vraiment le sujet, les îles. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. On a l'impression qu'un sujet est un petit peu plus restreint que l'autre, mais bon, non, c'est marrant. Bah oui. Donc c'était une part. Enfin, c'était pas géographie, c'était les îles. C'était les îles, ouais, voilà. Donc, la liste des îles. Toutes les îles du monde, du monde. Comme ça, il y avait des intercalaires classés par océan. Ouais, ouais. Et par mer et océan, tu vois. D'accord. Et du coup, donc, c'est les deux piliers, finalement, un peu. Ouais. Parce que t'as fait de la philo et. Et maintenant, je fais noms d'albums qui s'appellent Les Îles, ouais. Voilà. Alors, on peut passer d'ailleurs un morceau d'un des deux albums. Donc, il y en a un, c'est L'île sous l'eau et L'île d'or. Bon, L'île sous l'eau, c'est chouette. Comme vision. Comme vision, bah ouais. Moi, je suis assez habitué à ce genre. T'as une manière de renverser, en gros, les espaces. Donc, t'as une émission... Là-haut dans l'océan, ouais, c'est vrai que ça résonnait bien avec ça aussi. Ouais. Donc en fait, c'est tu, il n'y a pas de haut et pas de bas, c'est juste des continuités ou des, c'est plutôt des choses, des sortes de plateaux quoi. C'est des, ça. Ben, c'est des milieux, c'est des milieux en fait. C'est des milieux, c'est ça, et on voit, en fait, c'est des milieux qu'on peut renverser comme des sabliers et tout, donc c'est chouette. Et puis il y a le, on le voit très bien d'ailleurs sur la cover de cet album. Puisque c'est de l'île sous l'eau, sous l'eau, qui est que j'ai pas encore du coup en physique là, mais puisqu'il est que en pré-sortie. C'est qui c'est les Al White du coup White. Que j'ai connu aussi il y a longtemps en même temps que Stewart, et enfin un peu après. Et du coup, on voit très bien en fait qu'il y a des plantes en fait qui émergent de sols qui sont pas vraiment des sols et qui vont dans des atmosphères jusqu'à topé une certaine limite et puis ça se transforme, mais en fait cette limite on sait pas si c'est une atmosphère, de l'eau, du gaz, on est vraiment sur une autre planète, tu vois, donc c'était un peu l'idée, c'était un peu de dire voilà, on sait plus si on est sous l'eau, dans la grotte, dans une grotte sous-marine, à la plage, sous les arbres, parce que j'aime bien aussi cette espèce d'ubiquité qu'on peut avoir dans la musique où on peut mélanger les fields recording et, Mais alors l'île sous l'eau, c'est donc c'est une parcelle de quoi, de terre qui est sous la mer. Et ouais, alors et c'est qui est entourée de, enfin tu vois, du coup, une île c'est quand même une parcelle de terre entourée de mer, donc l'île sous l'eau. Ouais. Ça veut dire finalement c'est de l'eau dans une immensité de terre qui serait comme un écosystème sous l'eau avec une île à l'intérieur, D'accord. Moi je vois une inversion de ou alors tout simplement il y a un trou d'eau du coup dans le plancher océanique, tu vois, celui-là. Bon, ouais. Qui aurait été l'inverse de l'inverse de l'île. Ouais, tout à fait, tout à fait. De la terre entourée d'eau, ben t'aurais de l'eau entourée de terre sous l'eau. Bon, bref. Ouais, complètement. C'est super. On va mettre un morceau, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Lequel tu veux mettre, celui qui le tient ? Bon, tu les connais tous. Évidemment, je les connais tous trop, mais peut-être moi je peux choisir. Alors, choisis. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour les morceaux de la cassette. Mais bon, ouais. Alors, mettons un morceau de la cassette. Peut-être que moi aussi, parce que je les ai quand même moins entendus et moins travaillés. Ouais, sûrement. Alors, mettons Là-haut sur la dune. Tiens. Voilà. En plus, celui-là, c'est vraiment le morceau qui est entre les deux, puisque c'est un remix de Deep in Blue. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a les mêmes bongos. Et ouais. Et en plus, on est vraiment entre les deux atmosphères, puisqu'on est à la mer quand même, avec l'océan qui se transforme. Et puis qu'on pourrait écouter après. Allez, on écoute violent, et c'est parti. Boum. J'espère que ça va vous plaire. Moi aussi. Les entretiens de Grenoble, merci. Ouais. Superbe, hein. Ça allait bien avec le grincement de la chaise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est le catamaran. T'as la chaise qui grince. Là-haut sur la dune, super. Donc on peut peut-être mettre en fond comme ça, pour expliquer un peu peut-être, ou pour voir les similitudes avec Deep in Blue, le morceau d'avant. Ouais. Donc là, alors Deep in Blue, il est en fait, il y a deux morceaux dedans, donc ça correspond pas à la première partie de 2 minutes ambiante. Ouais c'est ça. En fait, j'avais superbe intro. J'avais... Ouais, t'aimes bien. Ah, j'adore. Ça, c'est cool. J'aime presque plus que le reste du morceau. Non, je trouve ça génial. L'intro, elle faisait partie de... Elle est à l'origine dans un projet qui est sorti sur Stochastic ensuite. Et avant, du coup, Deep in Blue, même si ça a été choisi avant le projet, oui, enfin, oui, tu oui, sais, ça c'est tout. C'est un moment, c'est un passage qui fait partie de la Nature Tape numéro 1. D'accord. C'est vrai. Le manque de vagues dans l'espace. Voilà. Oui. Bah oui, c'est pour ça que je crois que je l'aime autant. Oui, du coup, ça me rappelle ça, excuse-moi. C'est vrai que oui, c'est un super... j'aime beaucoup la petite cassette que t'as fait. C'est toute la partie expérimentale pure, tu vois. Vraiment que j'avais fait comme ça, un peu d'intrée. Donc voilà, avec aussi, là par exemple, il y avait le synthé qui redescendait à un moment donné, je sais pas pourquoi, parce que moi quand, peut-être je le faisais en même sans y réfléchir, tu vois, en train de chercher d'autres sons, et je le faisais d'une main comme ça, et du coup on a laissé cette partie qui s'enlève comme ça, et voilà, après j'ai rajouté un peu plus tard les bruits d'eau, là, qui sont des galets lancés dans l'Ardèche, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est tous des trucs qui sont dont je me rappelle, quoi, tu vois. Donc pour moi, ça fait plein de c'est bons des sons que tu reproduis, c'est du field recording. Si, c'est du field recording. Ouais, bah il y a le synthé là, donc ça, c'est un synthé que j'ai sur mon ordinateur. Et mais qu'est-ce que tu veux dire dont je me rappelle, par exemple, les bruits d'eau là qui sont derrière. Ça correspond soit. C'est des souvenirs. Ouais, c'est des souvenirs. Il y a le lac de Garde et puis il y a les galets dans l'Ardèche là, et le sable dans l'Ardèche. Ok, c'est des cartes. Un peu de sorte de cartes postales, hein, c'est ça. Et alors, du coup, en plus, il y avait. Par exemple, pour Là-haut sur la dune, je l'avais présenté d'abord au 12 Vile parce que du coup, ça fait longtemps que j'y suis avec eux. Donc, il y a pas mal de morceaux. Que j'ai fait aussi à partir de ça, donc c'était assez dur sur le coup, mais ça m'a permis d'avoir plein de morceaux maintenant qui sont quand même où j'y ai mis mes tripes, parce que je me suis dit ouais putain, ça va sortir sur un bon label, faut que je le travaille à donf et tout. Le label de Glasgow, qui ne connaissent pas. Et puis par exemple, bah là sur là-haut sur la dune, j'étais vraiment énervé parce que j'étais content de ma réussite, tu vois. Et puis Stewart, de son côté, il était là, ouais, mais j'aime Stewart pas. Stewart de 12 Vile, du coup, il était là en mode, mais moi j'aime pas trop parce que il y a les grillons d'un côté, et puis il y a l'océan de l'autre, et il n'y a pas les grillons à l'océan. Du coup, moi ça me fait une espèce de dichotomie et tout. D'accord. Du coup, après, je l'ai même encore retravaillé pour que ça fasse vraiment, avec un effet binaural, comme ça, quand tu l'écoutes au casque, t'as vraiment l'impression d'être sur la dune avec les grillons à gauche et puis l'océan à droite, tu vois. Ouais d'accord, comme si t'étais entre les deux, quoi. Comme si pour qu'il y ait une cohérence ça, tu dis il va y avoir une cohérence spatiale un petit peu. Je vais rajouter comme ça, je vais lui faire mentir, quoi, tu vois. Et Deep in Blue, c'est bien le parce que quand j'avais sorti ton album, donc ton EP Working Ka, donc tu m'as fait une sorte d'historique du morceau, et le point de départ, c'était Deep in Blue, c'est ça? Exactement. C'est ce que tu disais, en fait, du coup, Deep in Blue a été le départ de pas mal de morceaux, dont Working Ka. Working Ka, c'est aussi un peu le moment où à la fois j'étais dans un truc plus dark, et puis j'étais peut-être un peu saoulé de faire j'étais parti en fait dans des j'essayais de coller à l'univers un peu lumineux, tu vois, de Deep in Blue, mais au bout d'un moment ça saoule, et du coup je voulais en faire une version un peu marécageuse, faire un peu l'intérieur de l'île, tu vois. J'avais imaginé ça à la base avec avec Deep in Blue d'un côté et puis Working Ka de l'autre côté, tu vois. D'accord, comme les deux comme faces. Les deux faces d'une île d'une île ou d'un disque tout simplement. On pourrait écouter Working Ka, non? Un petit bout en tout on cas. On peut écouter Working Ka parce que c'est vrai qu'il y a, plein d'éléments qui sont similaires. Il y a les grillons déjà. Ouais. Je vais faire encore un cut dégueulasse. Ouais, mais t'as raison, faut cuter. Voilà. Donc c'est. Ouais, bon, ça commence par. Les gens font ça toute la journée sur internet, ça les gêne pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est mieux quand on parle comme ça que quand ça arrive d'un coup, que le mec peut-être de l'autre côté est à fond. Et... Ouais. Oui, oui, sûrement, ouais, sûrement. On prévient quoi, moi. Ouais. On écoute un peu, non? Allez, écoutons un peu Working Cap, parce que c'est un super morceau. 4-5 ouais. minutes. Voilà. Même s'il est un peu violent, il est très bon. Ouais. Il est violent doux, quoi. Il est violent mou. Ouais, voilà, ouais. Il est violent mou. Il est violent. À tout de suite. À tout de suite. Yes. Tac. Tac. Tac. Et j'ai trop à chaque fois la vision d'un... D'un mec un peu triste qui est au pied d'un arbre, tu sais, et qui tape sur son. Un peu Sisyphe, quoi. Ouais, un peu Sisyphe, voilà. Qui essaie de. C'est ça, qui essaye de remonter sa boule, qui tape, ouais. Qui tape sur un truc sans que ça marche. Et... Un bûcheron qui n'arrivait pas à faire tomber. À couper l'arbre, ouais, c'est ça. À chaque fois, il tape et ça rentre pas dans le bois. Ouais, ouais. Ouais, ça rebondit, la hache rebondit à chaque fois et produit ce son-là. Tac, tac. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on disait, hein. Donc il y a ce côté lancinant, obstiné, toi tu dis. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Obstiné, et puis un peu avec la mélodie qui est lâche aussi, tu vois, avec le côté. Un mec qui est aussi qui est un peu. Qui joue une ou deux notes comme ça, tu vois, mais. C'est pas une mélodie assurée, qui est sûre de ce qu'elle veut dire. C'est une mélodie qui dit ce qu'elle dit au fur et à mesure que les notes se posent, tu vois. Ouais. C'est différent d'une mélodie qui avance vers un point, tu vois. Ah bah tiens, il y a ça, bah ouais, alors ça, s'il y a ça, bah alors il y a aussi ça, mais c'est pas une histoire, c'est une histoire qui s'écrit un peu de façon lâche. De façon un peu lâche, ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Et le bruit ambiant qui est un peu comme une sorte de enfin pas de blague, mais on dirait que c'est un peu le bruit ambiant qui se moque de, des malheurs du Ouais, c'est ça, tu vois, tourne autour, ça tourne autour. C'est la tempête qui... Ça touche pas vraiment, bon. Bref, super morceau. Et ouais, merci d'avoir sorti ça d'ailleurs. Je tiens quand même, bah, parce que je pense que si j'avais pas eu ce morceau qui est venu au milieu du coup de toute la production de l'EP Lille sous l'eau, je pense que j'aurais un. Surtout que je sais pas si tu te rappelles hein, quand même la petite anecdote qui va bien, c'est que tu l'as produit au moment où moi je me suis retrouvé à l'hosto et j'étais déjà à l'hosto depuis 2-3 semaines, je pense, ou un mois, où tu vois, et j'étais dans une sale posture et tu m'as amené les tests pressing et je peux dire que ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment remonté le moral. C'est vrai. Et j'ai une photo de moi avec ça. Oui. Dans le lit là où je ressemble pas à grand chose, mais il y a ce disque. Non, mais il y a ce disque. Une photo très blanche. Parce que le test pressing et la pochette est blanche, le pyjama clair. Blanc. Bon, ouais, c'est vrai. Donc, très chargé. Donc, moi, je voulais revenir un peu sur le Lille. Alors, pour tu sais que j'ai fait des entretiens super à Grenoble. Fond, j'adore ça. Bellhooker. Bellhoox. Ouais. Bellhoox. Ça, c'est une exclue aussi. Donc, que j'ai fait la semaine dernière. Mais bon. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est pas celui. Bon, c'est un. Ah ouais, c'est pas l'autre. Mais ouais, parce qu'il y a plus de. C'est différent. C'est un autre morceau, c'est un nouveau morceau, ouais. Ouh, ça va être chaud, on peut mettre un petit bout. Non. Ah bah après, moi je vais avoir envie d'écouter tout. Ouais, bon, allez, on peut mettre un petit bout. On peut mettre un petit bout quand même. Allez, ça marche. Allez. J'ai envie. étais en train de parler de VCV du coup, VCV là, Rack, avec lequel tu as fait ça. Ouais. Franchement, ouais, c'est terrible. Et je disais que moi j'avais essayé, que c'était vraiment compliqué quand même. À la base, tu me disais, il faut. Au départ, là, il faut beaucoup de temps pour apprendre à faire des choses simples. Et en fait, plus ça va et plus c'est facile. Quoi. C'est et tu fais ça du coup, VCV, tout. En dehors de. Juste dans l'appli VCV, quoi, en dehors d'un logiciel. C'est le logiciel Rack. C'est le logiciel Rack, ouais, c'est ça. Voilà. Même parce que je crois que tu as moyen de l'insérer dans Ableton, non, le VCV. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. D'insérer VST, des modules, ouais. peut-être. Comme un VST, et après tu enregistres des trucs à partir de là. Ouais. C'est possible. Mais non, là, ça reproduit un rack modulaire physique. Quoi, c'est en fait, ça, ouais, un modulaire, gros voilà. Modulaire. Ouais. Mais bon, c'est gratuit, quoi. Bah franchement ouais non moi j'aime beaucoup les morceaux que tu fais avec ça là. Déjà tu m'en avais fait pour Spar Tranquille et ça a défoncé. Ouais. C'est un peu bon il y a plein de choses quoi. Enfin là encore l'utilisation est assez sommaire je pense mais je sais pas c'est Binary Digit qui m'a parlé de ça et lui en fait il arrive à faire des morceaux on dirait pas qu'il utilise VCV pour faire ses morceaux, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ouais, mais lui, c'est pareil avec les trackers. Déjà, il est quand même assez fortiche pour le maniement de ses outils informatiques. C'est vrai. Première génération. Mais toi, t'es assez fort aussi, Ableton. Bah, moi, je suis fort à Ableton. Ouais. Moi, je mets un petit. Moi, je dirais quand même que je suis plus costaud en composition. D'ailleurs, j'ai fait des. Ouais. J'ai fait des rêves où j'étais invité, parce que comme je joue quand même pas mal, tu vois, et j'ai eu des moments d'inspiration pour l'île d'or surtout, tu vois. Ouais. Après les moments d'inspiration, par exemple pour, il y a pour Mais qu'est-ce que dans l'île sous l'eau, et puis pour dans la plage sous les arbres où j'ai vraiment fait la bass, comme ça en le jouant avec soit un clavier soit push. Mais sinon, le reste, c'est quand même vachement quoi, du tweak. Push, c'était un petit contrôleur comme ça, avec d'accord. Des carrés. Ouais. Ok. Avec des petits carrés. Et du coup, tu fonctionnes autrement qu'avec un clavier. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, du coup. C'est vrai, ça change tout en fait. Hein, c'est bizarre. Ben ouais. De passer d'une structure. Enfin, d'un clavier matriciel à ça. Un clavier, c'est incroyable. Même si c'est. Ben ouais. Ça fait la même chose, ton esprit réagit pas du tout. Enfin, conçoit les choses totalement différentes. Complètement. Parce que du coup, t'as qu'un demi-ton d'un carré à l'autre. Enfin, ouais, bon, c'est autre chose, justement, quoi. Alors, par exemple, c'est toi qui pour la petite histoire, pour Mais qu'est-ce que, j'ai pris une. Tu sais, tu programmes normalement les gammes. Et pour Mais qu'est-ce que, c'était plutôt une prouesse, là, du coup, parce que j'ai réussi à faire ce truc. Après, j'ai découpé un peu, parce qu'il y a des endroits où tu vois, c'est pas d'un trait que j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Mais quand même, je l'ai fait globalement sur une inspi avec avec justement pas trop de gamme, c'était la gamme juste par demi-ton, tu vois, ou un truc comme ça. D'accord. Je sais plus comment elle s'appelle cette gamme dans. Mais c'est vraiment. Ouais, je vois. D'accord. Ouais. C'est toujours par demi-ton. Ouais. Oui, je veux dire. Non, mais ça allait pas dans les quarts de ton, mais c'est sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait pas. Ça sautait pas. Il y avait presque tous les demi-tons. C'était presque la gamme complète, tu vois. Chromatique. C'était presque la chromatique complète, voilà. Okay. Et du coup, c'était dur parce qu'il fallait. Il y avait des carrés. Et ils sont tous identiques, mais il y avait des carrés qu'il fallait pas toucher, tu vois. Ouais, et qu'il fallait toucher à d'autres moments. Oui. Donc je suis sorti du cadre de la gamme qu'impose le. Parce que c'est ça le problème avec push et les carrés comme ça, c'est que. Très vite, tu retombes dans le. Voilà, t'es sur cette gamme et puis t'en sors pas. Quoi. Voilà. Et par contre, pour l'île d'or, je me suis vraiment régalé avec ça. Il y a pas mal de morceaux qui sont faits presque d'entrée avec. L'île d'or, donc c'est la cassette. C'est la cassette sur Not Fun. Ouais, voilà. Et j'ai fait un rêve. Je fais plusieurs rêves vis-à-vis de l'île d'or. Là, j'ai. Après coup, tu veux dire ? Ouais, après coup, au moment où c'est sorti, tu vois, je me suis dit. D'abord, j'ai fait un rêve. Où je retournais à l'école parce que tu sais pour moi c'était un peu comme de repartir sur un autre level tu vois donc je me disais waouh ça va être et j'étais en retard du coup tout le bordel de l'école tu vois qui reprend voilà. Et puis après j'ai fait un rêve où j'arrivais aux États-Unis à Los Angeles et tout et ils me proposaient de jouer mais il y avait que des bons Zikos parce que faut dire quand même que Not Fun il y a eu quand même 2-3 bons Zikos qui sont passés sur son label et après c'est un vieux label disons que c'est pas non plus un label de jazz mais j'avais cette impression si tu veux de bons musiciens au-delà du bon compositeur tu vois. Et du coup j'ai fait ce rêve où j'arrivais pas tu sais à jouer comme un bon musicien, tu sais, où j'étais là et j'arrivais pas à taper bien dans le temps ou à être ou être dans le moment qu'il fallait, tu vois. Parce que là, c'est tous des moments, quand tu composes, c'est des moments sélectionnés. Tu tripes pendant longtemps et puis après, tu dis, ah putain, là, ça y est, j'avais quelque chose, tu vois. Mais c'est pas comme un mec, un musicien de jazz, tu vois, un mec qui maîtrise son instrument et puis qui peut te refaire ce qu'il veut, tu vois, qui peut te refaire la même chose au, je crois, ou presque. Ouais, bon, ce sont des rêves. J'idéalise, tu vois. Je pense que quand même, c'est une éthique assez. Enfin, là, moi je connais Not Fun plutôt du côté noise, hippie noise. Ouais, et c'est vrai que c'est quand même plutôt 2000, relax. Ouais. C'est plutôt, voilà, plutôt jazz, relax. Jazz, mais dans le côté free, ouais, avec ouais. Plutôt. voilà, maîtrise des instruments, ouais. C'est clair. Donc là, il y a une direction. J'ai écouté ce matin un mix, mix que tu avais fait. Ah ouais, Not Fun. Ouais, ouais, c'est ça, la mixtape. C'est marrant parce que au milieu, il y a des morceaux un peu comme ça, free rock ouais, qui sortaient. Ouais, ouais. Bah, c'est pas du tout post-punk. Non, c'est pas, ouais, post-rock, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça. Je sais pas, ouais. C'est du. Ouais, j'ai dit free rock. C'est Rob Edor, là. C'est Rob Edor ouais. Et puis Fox de machin, là. Free rock ou rock noise, ou je sais pas. Ouais, quoi, c'est ça. Dire. Ça grince. Mais c'était marrant. Enfin, je me suis dit que du coup, le fait que tu sortes une cassette sur ce label, ça te permettait de découvrir un style de musique bah ouais. Que moi je connaissais d'avant. Bah ouais, c'est ça. Tu découvres. Bah exactement, parce que moi Not Fun je l'ai connu plutôt avec High Wolf, tu vois, donc c'était des délires perchés, mais c'était très électronique, ouais. Et j'ai découvert, c'est une fois que Not Fun m'a répondu, je connaissais ça, j'écoutais beaucoup les HAL au moment où je lui ai envoyé la démo, les HAL et Magnétophonique, donc Baptiste Martin, et du coup... c'est un Belge, non c'est... Non, c'était non. Un Lyonnais, et puis ouais. Maintenant il est en Belgique, effectivement, ouais. Et voilà, du coup... C'est vrai que j'ai pu découvrir après coup et je me suis dit bon ouais, je vais quand même me plonger dans la discographie parce qu'il y a quand même 2-3 autres trucs. S'il y a des trucs que j'aime bien maintenant, et c'est vrai que même dans les trucs que je connaissais pas, ça m'a ouvert un peu à d'autres choses, voilà. Après il y avait Sun Arrow aussi que je connaissais déjà, que j'aimais bien, voilà. Et d'autres trucs. Sun Arrow, ouais, c'est vrai. On va passer un... T'as apporté deux morceaux ouais, qui j'ai... tiennent à cœur. Ouais, comme ça, hein. Et c'est... voilà, Water Drums. On peut mettre Water Drum, ouais. Ouais. Donc là, on écoute Apport du Magdalena. C'est ça. Sur, est-ce que t'as reconnu les... Il y a une petite voix derrière, là. Là, en ce moment juste avant, ouais. Ah oui, non, j'ai pas reconnu. T'as pas reconnu d'où ça vient, là. Donc du coup, ça, c'est Allen Ginsberg, quand il fait Holly. Enfin, c'est un... D'accord. C'est dans le film, là, apparemment, où il fait Holly, Holly, Holly, Holly, Holly. Tu sais, il y a un poème de Allen Ginsberg. D'accord. Donc le mec de la Beat Generation, là, qui est le pote de Kerouac, qui fait ça, qui fait Holly, Holly, Holly, tout est sacré. Le pour est sacré, le contre est sacré, tu vois, qui dit. Ah ouais, ok. Comme ça, et qui déblatère, et du coup, voilà, qui est excessivement bien dicté. Et, bonne info. Je fais un petit. Ouais, mets-nous un petit fade et mets-nous Water Drum, parce que j'ai découvert ça dans Balade Nocturne, qui est vraiment l'émission de mon enfance, qui m'a vraiment éduqué à la musique que je fais et que j'écoute aujourd'hui. Allez, on écoute ça. Les entretiens, voilà. De Grenoble. Union Jack. Merci. We'll be right back. Ouais. Et je me souviens, ouais, t'avais passé un morceau de cette compile, mais qui était beaucoup plus trans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une. C'est pas une compile, c'est vraiment un double LP de d'Union Jack, c'est issu de là, et c'est voilà de. Ouais, ça doit venir de. C'est une compile de Londres. C'est un Various. Oui, oui. Alors sur là, parce que ce que j'ai téléchargé, c'est d'un Various, c'est et moi j'ai le. Ouais. D'accord. C'est celui, yes. Le FLAC qui est extrait d'une compile, mais par contre le. Moi je l'ai en, du coup je l'ai acheté en vinyle, coûte pas bien cher. Voilà, et du coup pour la 98. Petite histoire, je me suis quand même pas mal inspiré pour le à bord du Magdalena. Il y a cette de la lead de ça. Voilà. OK, très bien. Du coup voilà, je voulais retrouver un peu un truc comme ça et je voulais juste avant qu'on passe le dernier morceau revenir un peu sur Lille. Parce que comme tu sais, j'ai fait des conférences oui. Sur Pinode, oui, oui, que oui. Je remercie. Je remercie tout le monde sur Pinode. Alors oui, Lille. Et Lille, en fait, est un peu un en fait dans la pompe à vide. J'étudie la production de tas. Et ouais. Donc Lille, en tant que telle, est un tas puisque Lille est quelque chose de discret, tu vois. Puisque c'est une entité de terre entourée d'eau. Pourquoi discrète ? Discrète dans le sens de discontinu. Tu vois, on oppose l'analo. Le discret, c'est le numérique en gros. Ah, okay. Tu vois, c'est ce qui fait de 1 et 0. Tu vois, okay. Des valeurs discrètes par rapport à des valeurs continues. Des valeurs continues, elles peuvent prendre toutes les valeurs entre 0 et l'infini. Ouais. Mais les valeurs discrètes, elles peuvent prendre que certaines valeurs définies. 0, 1, 2, 3, 4. D'accord, ah, ouais, je vois bien. Donc c'est l'opposition continu-discontinu. Et donc Lille. Pour moi c'était un tas puisque c'est un ensemble dans un autre milieu, tu vois ce que je veux dire, c'est comme un petit tas uni. C'est complètement un tas, hein. C'est un tas de terre, hein. Et en plus ça a dû plaire, j'imagine, aux Anglais qui habitent sur une île qui sont quand même assez insulaires, et d'autant plus les Écossais sont une sorte d'entité séparée dans une entité qui est déjà séparée. Ouais, alors, exactement. Enfin bon, j'ai rien contre les Écossais, bien au contraire. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est... Non, je sais pas. T'as pas discuté de Lille avec tes collègues écossais, il n'y a pas eu d'échange à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y est, bon, déjà, il y a le climat océanique, tu vois, je trouve, en Écosse, qui est complètement psychédélique, tu vois. Ouais. C'est un truc, le climat psychédélique. J'ai envie de l'appeler le climat psychédélique, tu vois, tellement ça me souffle l'esprit. Ouais, ouais. Parce que, un coup de vent, et puis un coin de rue, et hop, ça y est, rayon de soleil, tu vois. Ouais. Et puis juste derrière, après le pâté de maison, de la pluie, tu vois. Et en même temps, tu rentres dans un pub, et puis tout ça s'efface, et il y a plein de pubs, et donc il y a plein d'îles comme ça à l'intérieur de ces bourrasques, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, des refuges, je trouve qu'il y a quand même une ambiance quand même vraiment particulière. Et puis voilà. Et puis moi, après, j'étais en Erasmus au moment où j'ai découvert l'Écosse, donc j'ai vécu à l'envers, et finalement, j'avais autant. Comment en me levant, t'as vécu à l'envers? À 20h, mais en commençant quand même par l'apéritif, tu vois. Ouais. J'avais quand même, du coup, de 4h, à partir de 4h du matin, ma journée ensoleillée, tu vois, jusqu'à 6-7h, tu sais. Donc tu étais, mais je crois que quand même l'hiver, le soleil se couche hyper tôt, non? Non, mais il y a un moment, par contre, t'as 3 beau... heures, ça veut dire que tu récupères le bon rythme en hiver pour voir un peu de jour, non? C'est ça que tu veux dire? Ouais, en hiver, c'était chaud, ouais. Il y a un peu des dépressions quand même là-bas avec cette histoire d'hiver, enfin, heureusement, il y a les pubs, du coup, comme je disais. Qui sont une sorte d'obscurité, contrôlée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et de lumière contrôlée aussi. De lumière contrôlée. Enfin, d'espace à part, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Qui ferme à 11h. Ça, et puis la bouffe indienne aussi. Ouais. Voilà. Et moi, on m'a dit qu'à Glasgow, il n'y avait pas d'after... Enfin bon. Alors du coup, tu vas au club, tu vas au club à 3h du mat, 2-3h. Tu t'en vas à 2-3 heures. Tu quittes le club à 2-3 heures et ensuite. Et après, il n'y a rien en fait. Non. Ah bah si, après si, justement. D'accord. C'est là où. Ah oui, mais qui a des afters. Ah ouais. Ouais, c'est, ouais. Là, c'est quand tu connais, du coup, il y a toujours un. Parce qu'en plus, là-bas, souvent les colocations étudiantes ou les colocations de jeunes, ou de... c'est des afters. C'est des grandes maisons en fait. Ouais. Du coup, t'as des afters avec en plus des pièces avec des ambiances séparées, des trucs comme ça. Il y a du reggae dans un côté, il y a du tel type de drogue dans un autre, voilà. D'accord. Bon. Okay, c'était Lily qui m'avait dit que c'était un peu bizarre. Enfin bon, oui, effectivement, je pense qu'il y a ce truc de. Bah par contre, c'est vrai de que les connaître les gens. Ouais, bah, c'est pas facile. C'est ouais, vrai voilà. que moi j'ai quand même mis 6 mois. Tu vois, j'y suis resté un an ouais. et j'ai mis 6 mois et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un Écossais dans ma classe qui parlait anglais qui s'appelle Daniel que je salue qui était en même temps avec Stewart dans ma classe. Ouais. Et du coup, je l'ai d'abord connu Stewart, lui. Du label, ouais, Twelve Isle. Ouais. Stewart du label Twelve Isle ouais. avec qui j'ai fait philosophie du coup. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai d'abord connu Daniel ouais. Via le fait qu'il étudiait le français. Et ensuite, Stewart. Et en fait, je crois que je suis le seul de toute la promotion Erasmus, ce qui veut dire de toutes les classes mélangées hein, sur Dundee. Donc, ça faisait quand même, je sais pas, une centaine de personnes. Je suis le ouais. seul, je crois, à avoir gardé. Après, je connais pas tout le monde, mais j'en connais au moins des une cinquantaine qui a pas gardé de contact avec des. Ou réussi à lier des contacts avec des Écossais, ouais. ouais. ouais. Tu vois, ouais. parce que il faut bah déjà quand t'es en notre Erasmus, t'es entre toi, et puis là, il y avait ce truc d'en plus avoir des affinités en commun et tout, et du coup. Musical, du coup, ouais, mais pas encore. Bah, moi, si, déjà, musical si, déjà, avec ouais. Stewart, ouais, non, ouais, on a beaucoup, beaucoup parlé de musique à l'époque, ouais, déjà, ouais. c'était vraiment là. Il m'a vraiment aidé à redécouvrir tout ce que j'avais aussi laissé un peu de côté. Parce que j'étais parti dans d'autres trucs, tu vois, j'avais mon groupe de funk, de jazz alternatif, tu vois, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et lui, il m'a fait réentrer dans la musique électronique. D'accord. Voilà. Okay. Que j'avais un peu abandonné. Parce que leur délire, ouais, c'est un... Enfin, bon, leur délire, si je puis dire, quoi, c'est assez... Ah merde, on n'a plus de temps. Bah, bon, je pense qu'il va encore s'élargir, leur délire. Je pense qu'on n'est ouais. pas au bout de nos surprises avec Twelve Isle. Là, il y a des super bons trucs qui arrivent. Bon, on va laisser un morceau pour terminer cette émission. Nous, on va ouais. continuer comme ça. Voilà, comme ça. Ouais. Merci Pinode de nous avoir permis de. Yes, big up, super stop. Big platform. Up. Ouais. Voilà. Shout donc là, out. C'est Toolbox qui a déjà commencé d'ailleurs. Ok. Eh ben, ça veut dire que les gens qui nous suivaient ont décroché et il faut qu'ils raccrochent sur l'autre flux, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, s'ils veulent. Bon, on s'en fiche. Veulent. On continue la discussion, si ça te dérange pas un petit bah, peu. Bah ouais, ouais, allons-y. Où est-ce qu'on était? Oui, d'accord. Twelve Isle, du coup, eux, ils ont une conception assez quand même particulière de la musique électronique. C'est-à-dire ils ont un truc très précis à la fois ambiante, club, non-club, je sais pas, c'est une ligne assez fine, enfin ouais. large mais en même temps assez fine, tu vois, enfin ouais. large d'influence on va dire, mais quand même assez fine dans le produit, non, je sais pas. C'est ouais, ça, ouais, c'est... ouais, bah c'est des gens qui sont très différents, faut le dire, c'est 4 personnes, hein, Twelve Isle, ouais. et du coup c'est 4 personnes avec des exigences très exigeantes, tu vois, c'est 4 personnes vraiment très exigeantes, parce que déjà Stewart à l'époque, tu vois, c'était le genre de mec qui écoutait pas de live, de musique électronique, si jamais les mecs n'étaient pas des pros. Tu vois, ouais. parce qu'ils ne voulaient pas entendre un truc à demi réussi ou un truc comme ça. Lui, après, ils ont d'accord. aussi tous, ouais, je ouais. dirais qu'ils sont quand même dans la filiation d'Optimo, tu vois. Avec ce truc qui est un DJ qui est all around, qui peut passer de tout, mm-hmm. mais en même temps. Qui peut passer des trucs super précis et qui est un digger, c'est un couple d'ailleurs de DJ qui était des diggers très expérimentés ouais. et qui savaient, voilà. Et autant tu les écoutes quand ils sont passés à Grenoble, moi j'ai été extrêmement déçu, hein. Tu vois, c'est pas comme Théo Parrish où c'est bon à tous les coups, mm-hmm. mais quand ils passent dans les clubs écossais, je pense que c'est vraiment là que ça. Tu les as vus il y a pas longtemps? Enfin, je les ai vus il y a pas longtemps à la Belle ouais, Électrique. Ouais. Oh, c'était correct pour l'heure parce qu'à 4h du matin ils ont smashé la Belle, c'est bien, mais bon, moi j'ai trouvé ça naze quoi. Et par contre, peut-être qu'ils étaient plus bon. Bah, ils étaient sur leur tour pour que tout marche quoi. Ouais, ouais. Hey Lily. Hey, salut Lily, comment ça va? La forme? Yeah. Ouais. Bah, on continue l'émission là, on a fini là. Eh ben, tu peux te joindre à nous si tu veux. On parle de Glasgow, tu pourras nous parler de Glasgow si tu veux. Eh ouais. On boit du vodka ginger beer, ça te dirait. On boit de la vodka ginger ale. Ouais. You want some? Ça, c'est ma Lily, ouais. Ouais. Optimo, ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est ce truc un peu... Enfin, excuse-moi de te couper, mais il y a ce truc un peu rock, non? Pour moi, Optimo, c'était... Ouais, dans Optimo, il y a un truc un peu rock, voilà. Rock, post-rock, rock-funk, tu vois, des trucs comme Liquid. Enfin, à l'époque, ouais, tu vois, ça, c'était c'est ça. Non, non, assez mais proche de LCD, Sound System, ou tu vois, DFA, tu vois, un truc... qui faisait un trait d'union entre c'est ça, mais à la fois, tu sais, c'est un mec qui va te... Voilà. La musique électronique. Un bon exemple quand même pour Optimo, pour un peu cerner le genre de DJ que c'est que, voilà, à 3h du matin, quand la boîte c'est fini, au lieu de mettre une track d'ambiance, de finir sur un banger, tu vois, ils vont mettre King Cole, Nat King Cole, Really Care For Me, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ils vont essayer de saisir l'ambiance, ou alors ça va être tellement des bons DJ, tu sais, il y a ce morceau de Black Betty, ouais, qui en fait en vinyle est pas régulier au début, tu vois. Ouais. Bah, c'est des mecs qui arrivent à te le lancer avec un truc, à te le mettre, te le lier avec un truc techno, en poussant et en retenant au bon moment, tu vois, parce qu'ils se sont entraînés à, je sais pas, juste parce qu'ils sont doués, mais je pense qu'ils se sont entraînés, tu vois. Et d'accord. Donc, c'est des trucs comme ça qui sont un peu improbables et qui arrivent en club et qui sont toujours. Qui prennent pas une ride, quoi, tu vois aussi. Ouais, ouais. Et après, pour revenir au 12 Vile, ouais. parce qu'ils ont quand même leur, vraiment leur identité. Je pense que c'est tous un peu des fans d'Optimo, tu vois, mais voilà, il y a Fergus qui est vraiment le digger prodige, tu vois, qui digue depuis qu'il a 15-16 ans, tu vois, qui a une grosse culture, sûrement un héritage aussi familial de ça, tu vois, et qui a eu une émission du coup très tôt sur l'émission sur la radio Sub City, et puis t'avais de Glasgow, voilà, de l'université de Glasgow même. Et puis t'avais Ruadgiri, ah ça y est, à chaque fois je me plante, mais c'est Ru qui du coup lui a un côté, alors c'est celui que je connais le moins, donc c'est celui dont je vais le moins en parler, mais il a des super, moi le nom, ouais, il a des super sélections de jazz en fait. Et il a un côté, voilà, très psychédélique, disruptif aussi dans l'approche, tu vois, de la musique. Ils ont tous ce côté-là. Pas électronique, quoi. Ouais, un peu, peut-être pas un forcément. Peu moins électronique, mais ils ont tous. Mais après, il peut passer de la techno aussi. Ils ont tous ce côté-là où ils ont pas trop de limites. Ils ont beaucoup de limites sur les morceaux qui vont passer et les morceaux qui vont pas passer, mais ils ont pas de limites sur le style. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et puis après, il y a Stewart qui est quand même, qui vient vraiment de la deep house, de la minimal, avec c'est vraiment le DJ, si tu veux, de la avec Al White. Donc c'était la paire, tu vois, qui s'est alliée à l'autre. Ouais. Et Al White, c'est carrément Al White, c'est l'artiste un peu du groupe, tu vois. Stewart, l'artiste visuel. L'artiste visuel, mais aussi l'artiste en tant que DJ. D'accord. Il est très fort pour en jungle, tu vois, pour mixer des trucs qui sont complètement immixables entre eux. Et ben lui, il arrive à te les caler super bien, tu vois. Stewart, c'est celui qui va poser une ambiance, réfléchir, tu vois. C'est le plus solide sur la trame de fond. Ouais. C'est le mec qui va au niveau technique, quoi. Plus sur Il est pas mauvais au niveau technique, tu vois. Ouais. Non, il est fort aussi. Mais disons que c'est apparemment. Moi, j'aime beaucoup Stewart. Hein, donc voilà, après. C'est lui qui a refait le. D'ailleurs, le remix là qu'on entend en fond là. Et ouais, bah, c'est ma préférée, moi, hein, sur le. Le remix de Working K. Ouais. Parce que Working K, faut le dire aussi, ça a été quand même un truc qui a été fait aussi avec. Avec de la collaboration avec Stewart, puisque depuis tout le temps en fait, puis ça continue là, hein, même c'est pas parce que l'île sous l'eau est sortie que je vais arrêter de discuter avec lui. C'est un vrai plaisir d'échanger sur la musique. Voilà, sur la musique, sur les manières, les plugins, tout en fait, tu vois. Comment tu pourrais définir finalement le... J'imagine, parce que tu te dis, en fait, ces gens-là n'ont pas de limite dans le style, style de musique, mais ils sont très précis sur les morceaux. Ouais, ils vont pas passer de hardcore quand même. Ils ont un côté quand même assez fin. Ouais. C'est-à-dire ils sont pas dans le trop brut, dans le trop violent, dans l'irréfléchi. D'accord. Ils ont quand même un côté aussi un peu intellectuel, je dirais, tu vois. Et malgré tout, il puise dans différents styles. Comment tu pourrais définir ce qui... Tu dis qu'ils ont une certaine exigence par rapport aux morceaux. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte après, d'esprit. Chaque morceau doit avoir un esprit particulier ou des caractéristiques particulières de style pour, on va dire, pour qu'il soit joué, pour qu'il soit accepté. Ou même toi, ouais. En fait, qu'est-ce qui... Mais tu vois, moi j'hallucinais. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même approche de la musique. C'est quand même ça qui a été impossible à définir. Je pense quand même qu'il y a un moment donné, la musique, c'est quelque chose qui est une appréciation subjective. Tu sais, et que d'accord, mais. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai eu beaucoup de mal quand je faisais des morceaux en me disant, bah voilà, il me manque. Là j'ai deux morceaux pour eux, il m'en manque deux. Lesquels je leur propose? Dans quelle direction je pars pour le prochain morceau que je fais? Tu vois? C'était l'enfer. Justement parce que on a du mal à cerner et à définir exactement ce qui leur plaît, ouais, voilà. Mm-hmm. C'est ça. Et en même temps, tu sais qu'il y a temps, des trucs tu fais pas des morceaux, enfin t'as fait des morceaux tu penses toujours à des gens quand tu fais des morceaux, mais ouais après c'était pas vraiment une commande, tu vois, enfin c'était quand même un peu des commandes, ouais. Hein, parce que il fallait que je fasse des morceaux, donc il y a des morceaux où je commençais, tu vois, en fait c'était un prétexte aussi pour moi à me dire, puis après si ça partait dans une direction que où je me disais bah ils vont pas aimer, après coup, c'était t'arrêtais. Ouais, et puis après non, enfin où je continuais, où continuais pour en sachant autre chose, que ouais, voilà, ouais. Et puis il y a des morceaux où je me par exemple pour Space Birthday je pensais pas, tu vois. Je pensais pas qu'ils allaient kiffer. On peut peut-être le mettre. Et du coup, ils ont dit, et puis c'est à la dernière, c'est le morceau qui a été choisi en dernier, tu vois, Space ouais. Birthday. Parce qu'il y avait, il y a d'abord eu Deep in Blue. Ensuite, il y avait du coup. Mais qu'est-ce que non. Far in Blue, du coup, qui est le début de Deep in Blue maintenant. Et puis il y avait, c'était pas Far in Blue, je sais plus comment c'était. No Ending Blue, un truc comme ça, ça s'appelait avant. Et puis là, Space Birthday. Non, il y a eu donc Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, ça, c'est le morceau qui a vraiment le plus plu à Fergus, tu vois. Ouais. Donc, on a la dub techno de Stewart. Ouais. Space Birthday, c'est. Je veux dire, Mais qu'est-ce que c'est vraiment le truc un peu incongru et rare qui va plaire à Fergus. Et puis les deux autres, c'est un peu de la douceur qui va avec les deux, tu vois. C'est des trucs qui font un peu des moments magiques, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. C'est à la fois easy listening et à la fois quand t'es sur la plage, à mon avis, que tu fais claquer Space Birthday, ben à mon avis, ça donne bien parce que t'as ce côté très aérien et en même temps, t'as le kick qui est assez lourd, tu vois, finalement. Ouais, ouais. Qui est juste ce qu'il faut. Il y a le côté en fait dub un peu sur tous les morceaux. Donc ouais. Ça, je pense que c'est quand même un truc qui leur va à tous. Ouais. Tu vois le côté dub. C'est quand même des amateurs un peu de reggae dub. Ouais. Tu vois. Parce que faut dire qu'à Glasgow et en Écosse, il y a quand même beaucoup de soirées de sound system reggae dub. Tu vois. Ouais. Et qui sont avec c'est eux qui ont le plus gros son et c'est vraiment des bonnes ambiances. Tu vois. Tu vas fumer un buzz dehors, tu reviens. Y a les mecs qui peuvent passer ou pas de la bonne musique, mais quand ça y est, ça passe de là. Y a un mec qui passe de la bonne musique, tout le monde réplique, tu vois. C'est une ambiance un peu familiale, un peu, tu sais, comme si c'était l'association des Africains du coin, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est clair que ça, c'est une ambiance qu'ils apprécient tous aussi, je pense, tu vois. Ouais. Voilà. On n'a pas trop ici, quoi. En France, à Grenoble. Bah, à Grenoble, il y a beaucoup de reggae. Encore à Grenoble, mais... ça va, hein, mais c'est vrai. Oui, que mais c'est pas, là, à Glasgow, j'imagine qu'il y a aussi une population. Ouais, il y a je aussi. Je sais plus comment le dire, mais il y a aussi une population. C'est mélangé, quoi, on va dire. Noir, ouais. Tandis que en France, si tu vas faire une soirée dub ou quoi, non, je sais pas. Ah, quand même, on a un peu, je mais sais peut-être pas, moins. Il y a pas. Quand même plus de blancs, ouais, je ouais. Sais pas. Peut-être. Je sais pas. Il y a un truc très. Le reggae en France, bah, disons que tout de suite au c'est plutôt, c'est plutôt que les. C'est dur. Ah, si, il y a de la mais musique, ouais, mais. On a de la musique mais derrière. Comme il y a les micros. Eh bien, viens parler. C'est l'intervention de Lily. Bon, on peut peut-être arrêter le. Ouais, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On laisse Space Birthday. 60 000 histoires, mais Space Birthday, ouais, je l'ai vraiment essayé sur toutes les enceintes. Je suis sûr que ça va, que le kick est bien, tu vois. Ouais. Okay. Et pareil, Space Birthday, c'est spécifiquement parce qu'il y a eu d'autres morceaux où Stewart m'a fait refaire, tu vois, où j'étais vraiment énervé qu'il me fasse refaire parce que ça me saoulait, tu vois, mais où il a eu raison. Et là, celui-là, c'est le morceau où il a eu tort de me faire refaire, donc. Ouais, où il est. Ouais, parce qu'il a dit: ah, mais attends, le moment où ça part. Et lui, il avait un truc un peu plus minimal en tête, tu vois. Il a pris les tracks séparés, tu vois. Il m'a refait un petit remix. Il m'a dit: ah, mais ça peut-être. Je lui fais: bah tiens, sinon on met ton remix, tu vois. Il lui fait: mais non, mais moi c'est moins bien quand même. Et puis alors après, j'ai changé. J'ai fait une quinzaine de mélodies différentes au moment du peak time après le premier break. Ouais. Et au final, il m'a fait: non, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'autre. Il y a juste le kick, est-ce que t'es sûr, tu vois? Et voilà. Et pareil à dire aussi, c'est que les deux morceaux qui... Alors, je sais pas si c'est celui qui va le mieux marcher encore. Hein. Je pense que c'est quand même tous des bombes sur l'île sous l'eau. Tu vois, qu'il n'y a vraiment rien à redire à aucun des morceaux. Moi, je pense que peut-être mon préféré, c'est La plage sous les arbres. C'est celui, quand je le réécoute, où je suis le plus... Et ben, on va le mettre... On va l'enchaîner. Parce que je trouve qu'il est ultra finos. Après, Space Birthday, c'est vraiment chouette aussi, tu vois. Tout est bien, voilà. Tout est bien. Écoute, mais merci Denis d'être venu. C'était très sympa et puis c'est agréable d'avoir des conversations un petit peu personnelles. Ça m'a fait plaisir. Moi, tu sais, je peux parler de ma musique et tout. Ça me fait vraiment plaisir que tu m'en aies fait parler. Voilà. Bien sûr, c'est normal. Et puis ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Et voilà, ça fait bien plaisir. On va continuer un peu, on va continuer. Vite fait, comme ça, là, à côté. Et puis, bah, gros bisous à vous tous. Là. Rendez-vous sur Radio Campus, Trafic 908, ça continue. Et là-haut dans l'océan aussi. Et puis, il va y avoir des nouveaux trucs. On n'a pas dit aussi les actualités du futur, là. J'ai des surprises à venir, là. Parce que actualités du futur sont des actualités. Ah ouais, venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais parce que il va y avoir des. Il va y avoir quoi? Oui, c'est moi, je parle trop fort. La rentrée Non, parce que ce qui est vraiment cool, ce que j'ai pas dit, ce qui est cool, c'est que depuis que j'ai sorti ces trucs là sur des labels un peu internationaux à porter, et du coup, il y a des retombées un petit peu, donc ça fait plaisir. Ok. Voilà, donc il y a des labels qui viennent me voir, ils disent: on aime bien ce que t'as fait, est-ce que tu peux nous filer une track pour la compile? Est-ce que tu peux nous... Il y a la compile pour le Bambou Show. Et il y a notamment Bambou Show. C'est les Bambou Show, ouais. C'est un mec qui s'appelle Loïs, qui vient de Lyon. Ça me fait plaisir parce qu'il m'avait invité et ça lui avait plu Working Car. Il m'avait déjà invité pour faire le live, un live autour de Working Car. Donc c'est vraiment un mec à qui ça me fait plaisir de... Qui t'a invité pour mixer à cette soirée après-midi. Jungle Art, un truc comme ça. Ouais, on était allé aussi à ce truc-là, à l'Institut Franco-Chinois. Ah oui, aussi, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, d'accord. Donc un morceau sur une compile. Un morceau sur une compile. De leur label, c'est ça, Bambou. C'est ça, Bambou Show sur une compile cassette. Et puis un morceau. Et puis ensuite, c'est des trucs qui sont pas encore actés. Ouais. Mais voilà, il y a un peu de tout le monde. Il y a du Mexique, un label qui s'appelle TPM Musica. Voilà, qui fait un peu dans le down tempo. Ok. Il y a aussi, et là récemment. Ouais. Je vais faire un podcast, ça va arriver assez vite, donc c'est sûr que ça va se faire. C'est sur la série de podcasts s'appelle Sonic Tapestry. Okay. C'est un mec sur Londres. Ouais. Voilà, il fait des super shows ambiantes. Uh-huh. Et puis là récemment, un mec, il y a Abstract Reality aussi, apparemment, qui voudrait. Ah, Pierre Labré, voilà. Qui veut sortir un truc. Ouais, il m'avait déjà demandé à l'époque, d'accord, tu vois. Et puis lui, il avait arrêté, en fait, tu vois. Et je pense que ça lui avait mis si un coup. Si, tu m'avais fait écouter sa future sortie ou je sais pas quoi. Ça fait longtemps que tu étais en contact avec lui. Ouais, ça fait longtemps que je suis en contact avec lui. Donc là, il a repris contact et il m'a dit que il allait redémarrer le label. Donc watch out pour ce label, c'est cool parce que c'était un bon label et qui s'est arrêté après la release de Léonard Lampion, finalement, parce qu'il m'a dit: ouais, c'est chaud, j'arrive pas trop à vendre mes trucs. Ouais. C'est comme pour tout le monde, hein. C'est un peu quand même tendu dans l'industrie monde, du disque. Ouais. Ouais. Et dire qu'un label international n'arrive à vendre que comme Not Fun, tu vois, n'arrive à vendre avec des... Il est pas international, il est américain, mais bon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une portée internationale, tu vois. Il y a des milliers et des milliers de followers, des 10 000 followers, tu vois, des trucs comme ça. Et qui ne vendent que 150 cassettes par release, tu vois. Ce qui est quand même assez peu si tu divises les... nombre de cassettes par le nombre de shops dans le monde. Ouais. Voilà. Ouais, c'est... Je pense quand même que l'industrie. C'est bien, ça donne une bonne idée des ambitions que par ouais, exemple, que mon label avoir. Peut avoir. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Donc je pense que 5 cassettes par sortie, c'est pareil, c'est avec, pas mal. Avec Lille. Tu vois, avec Lille sous l'eau, c'est quand même Rubadub qui est derrière Twelve Isle. Hein. C'est pas eux qui mettent de leur poche, c'est pareil, il faut le dire, ça aussi. Ouais. Et, mais ils en ont tiré combien? Et je pense, ouais, ils en ont tiré, je pense, 400, 500, tu vois. Et tu vois, du coup, le pognon qu'il y a à se faire là-dessus. Et pareil, pour remettre aussi pour que les gens, parce que les gens se rendent peut-être pas compte, tu vois, mais c'est 400, 500 euros pour moi maximum, tu vois. Et pareil pour eux. Et puis le reste, ça retombe dans la production. Ouais, en bénéfice, tu vois. En bénéfice. Déjà, il y a des déjà pas mal. Il y a des bénéfices, tu vois. C'est quoi alors ton deal? T'as 20% sur les ventes ou... 20% pour, sur les ventes des cassettes pour Not Fun. Et puis plus 50, des cassettes. Et 50% sur les digitaux pour Not Fun. Et puis après, je crois que c'est 50% du bénéfice pour les... Tout confondu pour 12 Isle. Ce qui est super deal. C'est cool. Ouais, c'est cool. Très bien, bon, c'est bien. C'est comme ça que le business doit se faire, je pense. Ouais. Voilà. C'est un business, mais c'est sur quand les même bénéfices, un business. C'est 50% sur les bénéfices. Ouais, d'accord. Sur les bénéfices. C'est pas bien sur sûr. Les ventes. Ouais. Ah bah ouais, hein, parce que c'est sinon, après déduction des coûts. Sinon, ils ont plus. Sinon, ils sont en perte. C'est sûr. Mais t'auras quelques disques. Et ben eux ils ont pas trop de disques, hein, tu vois, par exemple c'est Rubadub qui fait, ils ont 15 disques en tout pour moi et eux, tu vois, en gratuit. Ah ouais. Tu vois, donc c'est quand même sharp. Donc moi j'ai demandé à en racheter. Bah ouais, ouais, clairement, moi je veux bien en racheter aussi. Au prix coûtant pour en avoir aussi pour moi, quoi. Parce que là j'en avais demandé 15 qui sont partis pour les cassettes, qui sont partis quand même. Il en reste 3 en trop, quoi, tu vois. Ouais. Juste les 3 à moi. Ouais. Voilà, ça va assez vite finalement. Bon, c'est cool. Mais ouais, ça va. Bon, c'est un disque qui va aller partout, quoi. Enfin, moi, je me souviens, j'étais allé à Lighthouse, c'est un magasin de disques à Tokyo. Et, ouais. Il y avait le disque de Ramsey. Ouais, voilà. Non, c'est cool. Il a pas voulu acheter le Walking. Ah ouais, putain, l'enfoiré, c'est pas cool. Et je suis sûr qu'il aura Vague Imaginaire maintenant dans son magasin. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Allez, on finit là. Enfin, on continue après. C'est la bataille industrielle. Je finis l'enregistrement, ouais. C'est la même chose. Ouais, j'aime vraiment c'est beaucoup l'arbre, la plage sous les arbres. Ouais, ouais, bah, moi aussi. C'est bon peut-être. Il y a des bulles. Alors, je prépare un mix. Alors, il va y avoir une session de radio aussi avec tous les artistes du label 12 Isle réunis. Ouais. Je leur ai fait une petite mixtape d'une heure qui est vraiment rigolote. Je suis bien déchiré pour ça. Et puis, parce que là, j'essaye, tu vois, je fais des mixtapes en ce moment. Et je leur ai fait, je suis en train de faire une mixtape sur les gouttes d'eau et les bulles comme il y a dans ce morceau là, tu vois, pour tourner un peu autour de ce EP. J'espère que ça va vraiment défoncer. C'est sûr, ça va défoncer. Allez, on écoute ça. Merci, merci Denis. Merci à tous. Merci à toi. Ceux qui écoutent ça en rediffusion, les entretiens de Grenoble. C'est toutes les semaines. Merci Denis, à bientôt, peut-être que tu reviendras sur le. Ah, merci Nico. Ouais. C'est toujours plaisant. Allez.